de suite. Et jusqu'à 14h, on écoute Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Faut-il avoir une horlogerie de très grande valeur qui permet l'expression de nos artistes, qui permet de maintenir un savoir-faire et un salaire élevé à ceux qui les produisent, ou alors d'opter pour une fabrication en plus grand nombre, de montres plus courantes, plus modestes, qui vont cibler une clientèle qui pourra les acheter. Cette semaine, tic-tac, tic-tac. Le fait main, pur et dur, ça n'existe pas. La main de l'horloger ou de l'horlogère est toujours outillée, à minima par des outils de main. La gouvernance de l'horlogerie est pilotée au début par des succursales locales, du Jura bernois, du Jura neuchâtelois. Et puis à la fin, l'industrie horlogère suisse se trouve intégralement contrôlée par les directions centrales des trois grandes banques suisses, que sont la Société de Banque Suisse, l'Union de Banque Suisse et le Crédit Suisse. Crise, réforme et résurrection. Il faut bien penser aujourd'hui que l'horlogerie suisse répond à une demande qui n'est pas une demande existante en Suisse. Il faut savoir que 95-95% des montres produites en Suisse sont dévolues à l'exportation. Et les 5% restants, 3% incluent les touristes. Genève est une marque, entre guillemets, qui va être connue bien sûr sur le marché européen, mais bien plus loin, en Asie, à Constantinople, on achète des montres qui viennent de Genève. Quelques histoires de mécanismes. Tic-tac, tic-tac, ou l'industrie horlogère suisse. Aujourd'hui, entretien avec Nadège Sougy, docteur en histoire de l'Université de la Sorbonne et docteur en histoire économique de l'Université de Genève. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je suis Nadège Sougy. J'enseigne à l'université depuis une vingtaine d'années. Je suis docteur en histoire de l'Université de la Sorbonne et docteur en histoire économique de l'Université de Genève. Depuis le temps que je rencontre des historiens, je me suis aperçu progressivement que les historiens avaient bien des diversités dans leur catalogue. Quelles seraient vos spécialités à vous ? Alors moi, je suis partie, alors là vraiment c'est la bonne question, je suis partie de tout ce qui pouvait être une approche d'histoire des techniques. J'ai commencé par travailler d'abord sur l'industrie charbonnière, en essayant de comprendre ce que assez peu de personnes avaient vu, c'est qu'est-ce que c'est que le charbon en fait. Et puis je suis partie sur l'étude des qualités d'un produit qui apparaissait comme une espèce de donnée naturelle alors que c'est quelque chose qu'on fabrique. C'était d'autant plus intéressant que c'était le travail des femmes. Donc il y a un aspect très technique qui s'appuie sur une histoire d'entreprise qui est faite la plupart du temps avec les gens d'entreprise, non pas pour l'entreprise, mais j'accorde une place aux témoins. Donc pour l'industrie charbonnière, j'ai eu la possibilité d'être formée par des anciens ouvriers de la mine, par des ingénieurs des mines. Donc ça, c'était la première porte. Donc moi, j'ai cette double casquette, histoire des techniques, je viens des sciences dures à la base, histoire des techniques et histoire industrielle, et par-delà, une histoire économique. L'entrée, c'est toujours l'entreprise, mais en arrivant sur Genève, où j'ai fait en partie ma thèse, je me suis aussi recentrée sur la question des qualités des produits manufacturés. Qui vous a mis sur la piste ? Je me rappelle avoir fait, il y a des années de ça, Marie-Françoise Garçon, de mémoire, je crois. Et j'avais trouvé l'angle de son travail tout à fait à la fois passionnant, mais en même temps, il fallait bien le dire, relativement un peu isolé. Ce travail sur la dimension très concrète des choses que l'on peut aller observer, enquêter, inspecter d'une certaine manière, ce n'était pas le lot courant des historiens. D'où ma question. Anne-Françoise Garçon est une collègue et nous avons eu le même patron de thèse, Denis Voronoff, qui était versé dans l'histoire industrielle, dans le patrimoine industriel, donc des lieux, des choses, et des hommes, tout ça fait sens en fait. Moi, la question, le sujet de thèse et la façon d'entrer en matière avait été d'abord livré par ma première recherche sur les travaux du fond. Et ensuite, je me suis retrouvée à travailler avec un mineur qui était un mineur du jour, quelqu'un qui travaillait dans l'atelier de lavage des charbons. Elle m'a dit, de toute façon, les gars pensaient que on produisait du charbon. Non, c'était nous qui fabriquions quelque chose de commercial, de commercialisable. Et le nous, c'était lui et des femmes. Donc là, il a fallu repenser complètement l'ordre du travail. Où intervient la valorisation? Comment est-ce qu'on propose un produit qui n'est pas inné uniquement, qui est aussi modifié? C'est pour ça qu'ensuite, le saut a été facile avec les produits manufacturés, puisqu'il s'agit de comprendre comment un marché se construit à travers des qualités de produits. Donc moi, c'est ces angles-là qui m'intéressent, parce que ça met en œuvre, ça questionne les qualifications de chacun, les compétences de chacun, des pratiques qui peuvent être très concrètes sur des gestes, sur les affectations en fonction, par exemple, de l'âge. La mine, c'est très connu, mais dans une très grande partie des fabrications de petits objets de mode, de fantaisie, les enfants font certaines tâches au XIXe siècle, les femmes une autre, les hommes une autre. Tout ça est parfaitement complémentaire. Donc, ces entrées-là, moi, m'ont intéressée de cette façon-là, en fait. Alors, nous allons venir sur un papier, vous me l'avez dit juste avant que nous n'ouvrions ce micro, que vous avez rédigé il y a le siècle dernier, on peut dire, donc vous avez absolument tout oublié, donc on va faire un exercice de mémoire, ne touchez pas ce micro s'il vous plaît, sinon tout va s'écrouler. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, c'est de votre article, Les montres de Genève au 19e siècle, ça vous dit quelque chose? Oui, je me souviens maintenant. C'était signé Nadège Sougy, c'est bien moi. Alors je vais vous lire le début, ou plus exactement, c'est pas le début, mais moi je me suis dit que cette conclusion que j'avais repérée pouvait tout à fait nous servir d'introduction. Voici ce que vous écrivez. La fabrique horlogère de Genève entame au cours du 19e siècle une véritable réflexion sur son rapport au marché. Chaque crise est un moment particulier pour envisager des solutions susceptibles d'améliorer l'avenir. La transformation des modes de production, la forte montée des concurrences suisses, notamment Neuchâtel, ou encore étrangères, France ou États-Unis, oblige les acteurs de la filière à réviser la nature de leur offre. Le monde de la fabrique, avec un F majuscule, est alors parcouru par des crispations qui précisent des intérêts souvent divergents. S'il faut protéger un secteur économique important pour le canton, le choix du modèle de développement à suivre ne va pas de soi. Nadège Sougy, on peut commencer en disant que cette fabrique de Genève, d'abord pourquoi la nomme-t-on ainsi? Que représente-t-elle, que recouvre-t-elle au XIXe siècle? Alors, le terme fabrique n'est pas propre à Genève. C'est quelque chose qu'on le retrouve pour les soieries de Lyon déjà, bien avant. Disons que les premières mentions d'une fabrique de Genève viendraient du XVIIIe siècle. Par fabrique, on entend en fait l'ensemble des métiers qui travaillent les matières précieuses, l'or et l'argent. On pourrait donc considérer, et on considère que la fabrique réunit des métiers qui voisinent par un certain nombre de savoir-faire. C'est l'horlogerie, la bijouterie, et puis naturellement l'horlogerie qui va s'imposer. Mais disons que la fabrique est considérée comme une espèce d'ensemble. Donc une ville peut être une ville de fabrique. On parle aussi de la fabrique de Paris, pour parler des articles de Paris, tous ces petits articles de fantaisie, de mode. Donc, la fabrique, c'est véritablement... Homo faber. Voilà, c'est ça. C'est l'endroit, c'est une organisation, c'est un terme qui recouvre des métiers qui sont amenés à fonctionner les uns avec les autres et qui, d'une certaine façon, simplifient à la fois la fabrication d'une pièce, mais aussi, parce que ça va de pair, toute la question de la commercialisation. Puisque nous sommes avec des objets de petit volume et globalement de grande valeur. Donc on est là dans cette synergie-là, en fait. Alors, on va avoir affaire à quelque chose d'assez étonnant. C'est le choix du Conseil d'État qui va décider, un beau jour, de lancer un concours. Qu'est-ce que c'est que cette idée de concours? Il va y avoir 41 mémoires qui vont être rédigées pour répondre à la proposition du Conseil d'État, je vous vois faire un œil disant « Mais où a-t-il trouvé ça dans mon article ? Ciel, mais de quoi s'agit-il ?» Voilà, le Conseil d'État se dit, il est en train de regarder la situation, je vous fais le résumé, hein. Après vous compléterez. On est dans un univers qui est un peu bouché, il va falloir trouver du renouvellement, on va donc faire une boîte à idées. Et cette boîte à idées reçoit effectivement un certain nombre de propositions. Et au bout du compte, le Conseil d'État, qui avait quand même une bonne idée de départ, va finir par conclure à la lecture de tous ses travaux, les problèmes que l'on a actuellement, c'est faute à la conjoncture. Voilà, ça, autrement dit, c'est un magnifique coup d'épée dans l'eau. Mais est-ce que vous pourriez un petit peu peut-être situer à quelle aune de la crise éventuelle, parce qu'on peut imaginer que c'est pas quand tout va bien qu'on lance ce genre de d'usine à gaz, à quelle crise ça répond, et est-ce que cette hypothèse politique vous paraît relativement dans les habitudes d'un Conseil d'État ou de qu'est-ce qui fait que l'État, en plus de ça, vient se mêler de ça? On comprend bien que c'est évidemment vu l'importance que l'horlogerie occupe ici à Genève. Oui, c'est lié à l'importance du secteur. La pratique n'est pas nouvelle. C'est une façon assez habituelle d'essayer de démêler des problèmes dont on ne voit pas forcément la solution et en tout cas sur lequel on a du mal à poser un diagnostic. Mais on peut être étonné en Suisse, en tout cas, que ce soit le politique qui vienne intervenir. En France, on trouverait ça tout à fait naturel. En Suisse, c'est plus rare, non ? Disons que c'est donner la parole à ceux qui savent. Donc c'est plutôt l'appel aux experts. Et la situation est effectivement assez critique quand le Conseil d'État réclame cette discussion, ouvre cette discussion, puisque vraisemblablement la fabrique et l'horlogerie connaissent sur la première moitié du 19e siècle un certain nombre de crises qui effectivement ne sont pas toutes liées à la structure du secteur, mais qui sont liées à des réductions de débouchés. N'oublions pas que globalement, ce secteur-là est destiné à l'exportation. Donc, toute contraction du marché, les guerres de Crimée ou autres, sont des débouchés qui sont directement amputés d'une certaine façon. Donc, c'est un secteur qui est quand même très sensible à ces transformations-là. Dépendance géopolitique. Il y a une dépendance géopolitique. Il y a aussi un rythme de fabrication qui impose que on n'ait pas forcément des anticipations très très longues entre le moment où on commence une montre ou on la finit. Il peut se passer une année selon le niveau de complexité. Par conséquent, le stockage des stockages, produire des montres et d'une certaine façon, quelles montres? Voilà le nerf de la guerre, car en fin de compte, dans ce secteur de production, on met pas le même temps à produire des montres de pacotille ou de bas de gamme et des montres de très haut de gamme. Donc il y a cet aspect-là. Donc toute la question est de savoir de quoi souffre à ce moment-là, dans les années 1850-60, la fabrique. Y a-t-il déjà le risque, la menace d'une invention qui sous-entendrait une révolution, un bouleversement technologique, ou a-t-on affaire d'abord et essentiellement à une conjoncture, une fois encore, donc quand même relativement des phénomènes extérieurs ? La structuration du secteur, on est déjà dans des formes de mécanisation. Hein. Vacheron existe, Leschaud a déjà mis en place un certain nombre de systèmes techniques, Patek Philippe pareil, Boot, sans doute précurseur tout début du 19e siècle, a déjà mis en place un certain nombre de recours à la mécanique pour développer des fabrications de montres. Mais globalement, on voit bien qu'on est un peu à une charnière. C'est-à-dire qu'en même temps, la production de montres tend à monter en gamme, c'est-à-dire qu'on a des montres qui sortent plus facilement et qui sont d'une valeur plus importante en ce milieu de siècle. Et en même temps, on voit bien poindre ce que la mécanique permet, c'est-à-dire la création de modèles qui sont un petit peu plus standardisés, qui sont à la fois plus fiables. Donc si on veut une montre qui donne l'heure, c'est sans doute faire une montre réalisée par des machines ou en tout cas en partie ajustée et plus finement ajustable que montée à la main, hein, que faite entièrement à la main. Et en même temps, la mécanisation induit une forme de standardisation. Si on regarde ce que Karl Marx dit par exemple sur ces fameuses manufactures, il prend à témoin Vacheron Constantin pour expliquer que le passage à cette mécanique a sans doute réduit le nombre de modèles qui sortent et le nombre de calibres. Donc on n'est plus qu'à 3 ou 4, ce qui ne va pas avec le sens d'un luxe qui justement doit être pratiquement sur mesure ou identifiable en toute petite quantité. C'est un moment intéressant en tout cas parce que tous ces débats, alors effectivement, ça n'éclaire pas sur la prise de décision, sur vers quel sens on va. Mais la quantité de réflexions qui sont développées montre qu'il y a déjà des sensibilités pour dire alors, en fait, faut-il avoir une horlogerie de très grande valeur qui permet l'expression de nos artistes, qui permet de maintenir un savoir-faire et un salaire élevé à ceux qui les produisent. Mais bien sûr, ils ne sont pas nombreux. Ou alors d'opter pour une fabrication en plus grand nombre, de montres plus courantes, plus modestes, qui vont cibler une clientèle qui pourra les acheter. C'est-à-dire qu'on est moins étroitement dépendant des revers d'une conjoncture sur le très très haut de gamme, même si celui-là peut au final résister relativement bien sur certaines crises. Histoire vivante, cette semaine, tic-tac, tic-tac, suite de l'entretien avec Nadège Sougy. Nadège Sougy, comme nous ne sommes pas tous nés autour de 1850, pour la représentation de quel type de montre parlons-nous ? La montre au poignet qu'on connaît aujourd'hui, des montres que l'on porte sur soi mais dans l'habit, dans le costume. Ah là, c'est extraordinaire parce que on commence à voir se diffuser le 19e siècle, c'est ça. On voit que l'heure se diffuse. On le savait déjà dans l'espace public. Les montres se portent dans les poches, dans le gousset. Le gousset. Oui. Donc, les montres de gousset sont là pour les hommes. Les femmes les portent avec... Alors, on précise, parce que nous, on parle ça comme une évidence, mais le gousset, c'est donc une petite poche qui est dans le gilet ou qui peut être aussi à l'intérieur de la veste et dans laquelle on glisse la montre. Les femmes les portent au bout de chaîne avec les châtelaines, donc c'est presque le bijou qui permet aussi... C'est la chaîne avec plusieurs pendants qui permettent de mettre les ciseaux, de mettre des petites bourses, de mettre une montre, pourquoi pas, ou autour du cou, ou accrochée en épingle. On s'est éloigné de la cloche du Moyen-Âge. On s'est éloigné de la cloche du Moyen-Âge, mais ce qui est très intéressant, c'est cette pluralité que l'on voit arriver. Et bien sûr que les capacités de production ont à voir avec ça. On peut produire un peu plus. Les femmes portent des petites montres. La miniaturisation est le symbole d'une technicité. En fait, soyons clairs, la plupart du temps, elles donnent pas vraiment l'heure. C'est aussi ça, l'horlogerie. C'est parfois surtout une très belle boîte. C'est une boîte qui va de plus en plus suivre des tendances, des modes. Et les fabricants parisiens de petits éventails, de petites bourses, de petits bijoux réclameront que les modèles de dessins qui vont orner les boîtes de montres puissent être faits avec une certaine cohérence pour leurs propres clientes. Donc, on voit là que la mode s'y met. Et puis, si on regarde de façon plus anecdotique, sans doute, mais la montre se répand tellement que elle est même donnée en cadeau quand on prend des abonnements à la presse. Un an d'abonnement, une toquante. C'est pas ça. Forcément de très bonne qualité. Mais quand même, on peut quand même imaginer qu'elle vient de Genève. En tout cas, les publicités pour les abonnements à la presse parisienne passent par le cadeau d'une montre de Genève. Ça, nous sommes dans le dernier tiers du 19e siècle. Mais c'est vrai que Daniel Roche, étudiant les noyers de la Seine, disait qu'il y avait une amélioration sans doute du niveau de vie des Parisiens. En tout cas, les noyers qu'il retrouvait à la fin du 19e siècle dans la Seine pouvaient porter des montres. De la même façon, la montre a cette valeur qui permet de la déposer au monde-piété. C'est un moyen de crédit. Et tous ces objets-là prennent de plus en plus de place. Dans la littérature, on en trouve régulièrement. Donc, le 19e siècle, c'est ce siècle par excellence où il y a cette diversité de demandes et où il faut satisfaire cette démocratisation d'une certaine façon. Alors, si on revient à la question, qu'est-ce que c'est les montres en 1850? Ben, en fait, les constats que font tous ces horlogers qui sont interrogés par le Conseil d'État dans les années 1860, on voit bien qu'il y a à peu près deux écoles. Ceux qui disent il faut obéir aux lois du progrès et donc lancer une production qui permettrait d'être plus industrielle, concentrer la production. Et puis d'autres qui restent dans un système d'établissage un peu plus classique où un horloger marchand qui a boutique passe des ordres à des cabinetiers qui vont réaliser une montre sur commande. Celui qui est en boutique, qui connaît le marché, qui va faire aussi des voyages, étant conscient des goûts de la clientèle. Donc l'objectif, c'est véritablement de considérer que nous sommes à ce moment-là dans des choix possibles. Toutes les qualités de montre se retrouvent à Genève, mais ça crée des tensions. Et on ne sait pas, au nom de cette réputation ancienne de la fabrique de Genève, qui a fait ses armes sur des montres très décorées, qu'on voit aller au musée Patek Philippe, aller voir le musée, les collections des musées d'horlogerie à Chaux-de-Fonds, vous voyez, ce sont des travaux artistiques indéniables. Et donc, on voit bien qu'il y a ça qu'il faut défendre. Ça passe par la promotion des savoir-faire, la formation, instruire l'œil, former la main. Et en même temps, on voit qu'il y a cette demande à satisfaire que des suiveurs, Neuchâtel, le Jura neuchâtelois, ne manquent pas de s'en chasser dans cette clientèle-là en proposant justement des montres qui sont plus accessibles. Alors, quelque chose tout de même apparaît. Si je vous lis bien, Nadège Sougy, c'est la réalité de la construction. Je vous cite. En 1868, de la moitié aux trois quarts des éléments mécaniques de la montre sont fabriqués plus ou moins complètement hors de Genève, qui n'est qu'une place d'assemblage et d'habillage. Si Genève réunit 83 maisons fabriquant et exportant des montres et 63 maisons qui fabriquent les accessoires de montres, cadrans, boîtes, pendants en or, deux seulement établissent en entier le mouvement. On a donc affaire à, quand c'est signé Genève, qu'est-ce que c'est que cette signature-là? C'est la signature de la finition? Ben, comme dans la plupart des cas pour les objets manufacturés. Ouais. À la même époque, Paris signe des articles de Paris qui tiennent de l'Oise, qui tiennent d'une France très élargie, d'une capitale très élargie. Disons que... C'est donc une... La visibilité de ça, c'est une garantie? C'est une promotion commerciale. C'est une promotion commerciale. Ça renvoie complètement aux formes d'organisation de la production que l'on observe à l'époque moderne, déjà pour un certain nombre de fabrications, le textile par exemple, où l'on voit très clairement que une partie des pièces, une partie des premiers travaux de dégrossissage sont faits à la campagne, puisque naturellement, à l'extérieur, on ne paye pas la même chose. On paye en fonction de la qualification, mais on a aussi des pouvoirs, des niveaux de vie qui sont très différents entre la ville et la campagne. Donc, on s'ajuste. C'est une rationalité économique qu'il y a derrière. Et en même temps, le fait de concentrer en ville certaines étapes, entre guillemets, qui apparaissent comme de la finition, c'est aussi être garant d'un certain nombre de secrets de fabrication. Les modèles qui peuvent être copiés, ou qui sont copiés, les couleurs, les savoir-faire sont effectivement, comme pour le textile, ça avait été très très bien montré par Gérard Gaillot à Sedan, on voit très bien qu'une partie de la valorisation finale, et qui fait le prix de la pièce, ne nous y trompons pas, c'est rarement le mécanisme, même s'il est excessivement précis, s'il y a un automate, s'il y a des animations, c'est encore autre chose, mais globalement, la valeur de la boîte et sa démonstration artistique sont le signal du haut prix que le client va être capable de mettre. Donc là, cette répartition-là, elle est très clairement là-dessus. Genève est un étendard au nom des fabrications qui ont pu déjà être portées, depuis le XVIe siècle. Donc on a aussi tout cet héritage-là. Et sur la place, l'identité commerciale d'un produit, il est fait à partir de sa ville d'origine. Genève est une marque, entre guillemets, qui va être connue, bien sûr sur le marché européen, mais bien plus loin, en Asie, à Constantinople, on achète des montres qui viennent de Genève. Est-ce que ça sous-entend la description que vous nous faites là, qu'il y aurait deux tendances chez les horlogers, des horlogers qui défendraient plutôt une forme de progressisme démocratique, si j'ose dire, un élargissement de la montre pour un plus grand nombre de poignets ou de goussets, alors qu'en face se situeraient des horlogers plus traditionnels, estimant que seule une certaine catégorie de la population peut avoir légitimement le droit à avoir l'heure. Je ne sais pas si ça se catégorise comme ça. Je me permets simplement de compléter en disant que l'heure, quand même, dans l'histoire occidentale, a un peu rapport avec Dieu. Oui, mais elle a aussi rapport dans une société industrielle au temps de travail. Le temps ouvrier n'est pas moins intéressant que le temps de l'aristocrate. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Nous sommes quand même avec des entrepreneurs. Il y a une conscience du marché. Ce qui se joue là, ou en tout cas les arguments qui sont donnés, peut-être qu'il y a ça en filigrane, mais les arguments qui sont donnés, c'est la défense du bel ouvrage. Et à ce moment-là, cette histoire horlogère, cette crispation-là, on voit que on n'est pas dans une concentration industrielle qui est manifeste mi-19e siècle, et on est encore sur la défense de quelque chose dont on sait que ça a marché. Bon, bah écoutez, on se quitte là pour l'instant. On vous remercie déjà d'être venu au micro d'Histoire Vivante. On va faire tempêter ceux qui n'ont pas encore accès à Internet et qui en sont simplement à la vieille TSF ou au poste transistor. Mais tant pis, il faudra vous équiper, que voulez-vous, parce que Nadège Sougé, on va désormais la retrouver sur le net. Merci. Merci. Demain, la suite de cette semaine consacrée à l'horlogerie dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire Vivante, à voir dimanche soir sur RTS2 et dès maintenant sur le site des docs de la RTS. Nous serons en compagnie d'un nouvel historien, Johan Boila. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel.